aigue marine, ambre, améthyste, argenté, asperge, aubergine, azur, beige, bisque, bistre, blanc, blé, bleu, bleu minuit, bleu marine, bleu persan, bondi, bleu, brun, brun clair, cardinal, carmin, céladon, cerise, cérule, chartreuse, citron, citron vert, cobalt, cuivre, corail, cramoisi, crème, cyan, denain, écarlate, émeraude, framboise, fuchsia, glycine, gris, héliotrope, endojade, jaune, jaune pâle, icline, lavande, lilas, lin. Marron, mauve, menthe, noir, ocre, olive, or, orange, brûlé, orange, orchidée, outre-mer, papaye, pêche, pervenche, pourpre, prune, puce, rose, rose, moutarde, bâton, rouge, rouge, violet, saumon, sienne, brûlé, sépia, smalt, tomate, turquoise, pâle, vermillon, vert, vert pain, vert printemps, vieil or, violet, viride, violet, viride.